21-9 observations masculin et féminin. Masculin, intellectuel. Féminin, intellectuel. Spirituel, spirituel. Artificiel, artificiel. Réel, réel. Professionnel, professionnel. Masculin, général. Féminin, général. Normal, normal. National, national. International, international. Mental, mental.